T'as le corps du notari, donc faut revoir tes tarifs. Fuck le communautarisme, j'ai des frères mauritaniens. Le rap est un métier à risque, ton rap est pété réaliste. T'es comme la télé réalite, t'es sous coke fais tes valises. J'te fume et te réanime, le vrai jour J c'est mourir le jour son anime. Fuck les médias journalistes, fuck le FN et les nationalistes. Fuck le tapis rouge à Nice, fuck le rouge à les factices. Ma pute met du Chanel à oui, ma pute ne dort jamais la nuit. On aime bouffer des plats à l'huile, dans mon délire je navigue. J'brille comme le crâne du mec de 7 à 8. On crapote comme la vanne de mon ami, validé par la street. Comme un pui, algérien à l'intérieur, vert comme un kiwi. La pute de taille te masse mieux qu'un kiné. Pas de bras, pas de choco, pas de goût, pas de narguilé. Parlons ouais, je fume des wesh, t'es juste un yonk qui aime rouler. Robert Renoir, c'est la même, on a la même couleur cagoulée. Me suis fait seul avec la maman, la petite reuse et le petit refrain. Si t'es parti dire je suis un faux, allez viens me le dire en vrai. Les faux amis, j'ai pas leur temps, et l'ami, j'ai pas ton temps. Que pour l'ami, si t'es pas content, c'est pas ma faute, j'ai pas ton temps. Les faux amis, j'ai pas leur temps, et l'ami, j'ai pas ton temps. Que pour l'ami, si t'es pas content, c'est pas ma faute, j'ai pas ton temps. Bande de rappeurs à la schneck imposante, j'ai la plume du game la plus insolente. J'aime les femmes sérieuses pas les collantes. Mon pote mange des Big Mac, enlève le collant. Il fume de la buille, il a le cerveau trop lent. On baise des bombes avec nos gros trevants. On va les wet, comment faire autrement. La solution c'était l'appartement. Hache la frappe, te plie sur de la trappe. Les keufs me rattrapent pour alcool au volant. Prends pas de crack, pétard de la frappe. On aime la France, déteste Hollande. Épiné sur scène dans le cœur à jamais. Je ne touche pas du bois, je dois t'en chaler. J'ai que de la merde mais tu kiffes mon salaud. On peut te niquer ta mère sur un bateau. Parlons ouais, je fume des wesh, t'es juste un yonk qui aime rouler. Robert Renoir, c'est la même, on a la même couleur cagoulée. Me suis fait seul avec la maman, la petite reuse et le petit refrain. Si t'es parti dire je suis un faux, allez viens me le dire en vrai. Les faux amis, j'ai pas leur temps, et l'ami, j'ai pas ton temps. Que pour l'ami, si t'es pas content, c'est pas ma faute, j'ai pas ton temps. Les faux amis, j'ai pas leur temps, et l'ami, j'ai pas ton temps. Que pour l'ami, si t'es pas content, c'est pas ma faute, j'ai pas ton temps. Parlons ouais, je fume des wesh, t'es juste un yonk qui aime rouler. Robert Renoir, c'est la même, on a la même couleur cagoulée. Me suis fait seul avec la maman, la petite reuse et le petit refrain. Si t'es parti dire que je suis un faux, allez viens me le dire en vrai. Les faux amis, j'ai pas leur temps, et l'ami, j'ai pas ton temps. Que pour l'ami, si t'es pas content, c'est pas ma faute, j'ai pas ton temps. Les faux amis, j'ai pas leur temps, et l'ami, j'ai pas ton temps. Que pour l'ami, si t'es pas content, c'est pas ma faute, j'ai pas ton temps. J'ai pas leur temps.